s'est croisé un beau matin d'automne. Plus des enfants, mais pas encore des hommes. On s'est joué la misère, presque fier d'être tout de travers. On s'est plus quitté, toujours assis à côté. La cour des grands, c'était la scène où on se jouait. Les révoltés, version lycée. Mais on savait bien le faire. Tu parlais haut, insolent, toujours à vouloir plaire. Et moi, je crois bien que j'en faisais autant. On cherchait la lumière. Allez, viens, on va boire un verre. Viens, on va se raconter nos galères. Viens, on va faire comme si on était presque frères. Pas le choix, il a bien fallu qu'on y aille. Trouver sa voie, ou au moins une, au hasard. À vouloir se croire tout différent, qu'est-ce qu'on gagne? Juste le droit d'être pareil. T'as pas choisi, pas plus que moi, mais on l'a fait. On a fait comme si notre vie ressemblait à ce qu'on voulait. Pour l'amour aussi, sans aller jusqu'à se marier. T'es même devenu père. On parlait fort, mais bien plus tranquillement. Toujours à vouloir dire. On riait encore, mais plus comme avant. Plus si facile de sourire. Allez, viens, on va boire un verre. Viens, on va se raconter nos galères. Viens, on va faire comme si on était presque frères. On s'est perdu. Beau matin d'automne, plus des enfants, mais pas vraiment des hommes. On savait plus comment se parler, se raconter. Perdu la petite lumière. Chacun son chemin pendant des mois, puis des années. De rire en chagrin, je crois bien que je t'avais oublié. Puis là tu reviens comme ça, un jour d'hiver. Bien sûr, on peut se parler du passé, se cacher derrière des rires, plaisanter, se dire des vieilles blagues usées. Dis-moi, qu'est-ce qui pourrait bien être pire? Mais allez, viens, on va boire un verre. Viens, on va se raconter nos galères. Viens, on va faire comme si on était presque frères. Allez, viens, on va faire comme hier. Allez, viens, on va boire un verre. Viens, on va se raconter nos galères. Viens, on va faire comme si on était presque frères. Allez, viens, on va faire comme hier. Merci.